À l'occasion du 63e anniversaire de la grande victoire des Coréens dans la guerre de libération de la patrie, les matelots du bateau bâton-pavillon Sierra Leone Glory Hope 6 se sont réunis le 25 courant au port de Funam. Les orateurs ont dit que le président Kim Il-sung est le héros légendaire qui a conduit à la victoire la guerre de libération de la patrie de 3 ans dans les années 1950 pour ainsi battre les États-Unis et leurs suivistes. Ils ont adopté une lettre à l'adresse du maréchal Kim Jong-un.